Chapitre 7. On trouve le corps de la bienheureuse exempt de corruption. Premier miracle que Dieu fait pour l'exalter. Le premier commencement de la dévotion et de l'amour des peuples envers la servante de Dieu fut dans l'année 1644. Une dame de la famille Cousin, apparemment à cause de la singulière estime qu'elle avait pour Germaine, voulut par disposition dernière être enterrée tout à côté de la tombe de sa parente. Or, pendant que l'on creusait la fosse, au premier coup de pioche, on découvrit comme à fleur de terre le corps de la bienheureuse. Depuis 43 ans qu'elle était morte, il s'était conservé sans corruption, frais et maniable. Ainsi, comme on eut par hasard fait une lésion au nez avec le fer, à l'endroit frappé, la chair parut fraîche et le sang vermeil. Les vêtements aussi étaient intacts, et cependant elle avait le front ceint d'une guirlande d'épis et de fleurs desséchées. Le bruit de cette découverte courut aussitôt par tout le village et attira à l'église une affluence considérable. Les personnes qui étaient d'un âge plus avancé, aux traits du visage, à la stature, aux cicatrices de l'affection scrofuleuse et aux bras estropiés, reconnurent et attestèrent que c'était là le corps de Germaine Cousin qu'ils avaient connu. Pour satisfaire la curiosité et la dévotion publique, le corps fut extrait de terre, placé dans une caisse décente et offert ainsi au regard de la foule empressée, auprès de la chaire, dans l'église. Il y resta jusqu'à ce que les seigneurs de Pibrac, ayant là leur banc, Marie, femme d'un homme noble, François de Beauregard, s'offusquant d'avoir toujours devant les yeux ce cadavre, ordonna qu'il fût transporté ailleurs. Mais elle paya cher son mauvais procédé envers la servante de Dieu. Il lui survint, à peu de temps sur le sein, un ulcère horrible, et son unique enfant qu'elle allaitait, ayant contracté une maladie grave par suite du lait ainsi vicié, fut réduite à l'extrémité. On fit venir de Toulouse les plus habiles médecins et chirurgiens, mais tout leur art n'aboutit à autre chose qu'à aggraver le mal de la mère et de l'enfant. Alors le mari commença à soupçonner que toute cette complication de maux tombée inopinément sur sa famille était l'effet et la punition de l'irrévérence dont on s'était rendu coupable envers le corps de la bienheureuse petite bergère, et il fit part de ses craintes à sa femme. Celle-ci, rentrant en elle-même, se recommanda sur le champ à la servante de Dieu, promettant pour l'avenir de faire une réparation convenable de sa faute. La nuit suivante, se réveillant de son sommeil, elle trouva sa chambre éclairée d'une très vive lumière, et au milieu lui apparut glorieuse et belle la bienheureuse Germaine qui, prenant un air de bienveillance et de bonté, l'assura de sa guérison et de celle de son enfant. Aussitôt que la vision eut disparu, la bonne dame, élevant la voix, appela ses domestiques auxquels elle raconta de point en point ce qui lui était arrivé. Ayant ensuite porté ses mains sur son sein, elle reconnut à sa grande surprise que l'ulcère était parfaitement fermé et cicatrisé. Elle se fit alors apporter son enfant, qui depuis 2 ou 3 jours ne prenait plus le sein. Il s'y attacha plein de vigueur, comme s'il n'avait jamais souffert. Chacun peut se figurer qu'elle fut l'allégresse de toute la famille à un miracle si inespéré. Ils rendirent tous 1000 actions de grâce à Dieu, et le matin venu, ils se rendirent accompagnés d'un grand concours de peuple à l'église pour honorer la servante de Dieu. Au bruit de ce prodige se réveilla dans le peuple le souvenir des vertus de Germaine, et il s'alluma dans tous les cœurs une très grande confiance d'obtenir par son intercession toutes sortes de grâces et de secours dans les besoins temporels et spirituels. Le corps fut placé dans une nouvelle caisse de plomb, fait aux frais de la dame de Beauregard et transféré dans la sacristie. Là, les fidèles commencèrent à se rassembler et à présenter leurs suppliques à leur petite bergère, devenue désormais célèbre dans tous les environs. Et dès ce moment commence la série non interrompue de merveilles et de prodiges que Dieu s'est plu à opérer jusqu'à nos jours pour l'exaltation et la gloire de son humble servante.